The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Delighted. Ravi. To seem. Sembler. Participant. Le participant. To accompany. Accompagner. Recently. Fraîchement. To dare. Oser. Disastrous. Catastrophique. To confide in. Se confier à. Maniac. Le maniaque. Housekeeper. La bonne à tout faire. Biker. Le motard. To take oneself for. Se prendre pour. What a scene. Quel tableau. To keep oneself from. S'empêcher de. To describe. Décrire. In your hands. Entre vos mains. Past. Écoulé. Ring. L'alliance. Now, a bit faster. Delighted. Ravi. Disastrous. Catastrophique. Housekeeper. La bonne à tout faire. Maniac. Le maniaque. To confide in. Se confier à. To describe. Décrire. Biker. Le motard. To keep oneself from. S'empêcher de. To dare. Oser. What a scene. Quel tableau. Past. Écoulé. To accompany. Accompagner. To seem. Sembler. Ring. L'alliance. To take oneself for. Se prendre pour. Recently. Fraîchement. Participant. Le participant. In your hands. Entre vos mains. Now, use the words in context. Se confier à. I don't really know if I can confide in him. Is he reliable? Je ne sais pas trop si je peux me confier à lui. On peut lui faire confiance? Se confier à. I needed to confide in someone, so I went to see a psychologist. J'avais besoin de me confier à quelqu'un, donc je suis allée consulter un psychologue. Se confier à. You know that you can confide in me. I will always be there for you. Tu sais que tu peux te confier à moi. Je serai toujours là pour toi. Se prendre pour. Since he bought a Porsche Cayenne, he thinks he's the king of the world. Depuis qu'il a acheté une Porsche Cayenne, il se prend pour le roi du monde. Se prendre pour. He thinks he is an artist, but he doesn't sing well and has no talent. Il se prend pour un artiste alors qu'il chante faux et qu'il n'a aucun talent. Se prendre pour. Her mother looks very young. I thought she was her sister. Sa mère fait très jeune. Je l'ai prise pour sa sœur. Entre vos mains. My destiny is in your hands. Be careful. Mon sort est entre tes mains. Fais attention. Entre vos mains. The future of this company is in your hands. You have to sign this contract. L'avenir de cette entreprise est entre tes mains. Il faut que tu signes ce contrat. Entre vos mains. Parents have a very important role. Their children's education is in their hands. Les parents ont un rôle très important. L'éducation de leurs enfants est entre leurs mains. S'empêcher de. I try to stay on my diet, but I can't keep myself from eating chocolate. J'essaie de me mettre au régime, mais je ne peux pas m'empêcher de manger du chocolat. S'empêcher de. It's stronger than he is. He can't stop himself from talking all the time. C'est plus fort que lui. Il ne peut pas s'empêcher de parler tout le temps. S'empêcher de. Even if I am very happy for her, I can't keep myself from thinking that this wedding is a mistake. Même si je suis ravie pour elle, je ne peux pas m'empêcher de penser que ce mariage est une erreur. Quel tableau! The children were playing in the garden. The parents were hanging out near the swimming pool. They formed a very nice family portrait. Les enfants jouaient dans le jardin. Les parents se reposaient au bord de la piscine. Ils formaient un très joli tableau de famille. Quel tableau! When you speak to me about him, you're not painting a very flattering picture. Quand tu me parles de lui, tu me dépeins un tableau pas très flatteur. Quel tableau! Look at these two lovers kissing on the bench. What a charming picture! Regarde ces deux amoureux qui s'embrassent sur ce banc. Quel charmant tableau!